Ézéchiel chapitre 4. Et toi, fils d'homme, prends-toi un tableau carré, et le mets devant toi, et trace-y la ville de Jérusalem. Puis tu mettras le siège contre elle, tu bâtiras contre elle des forts, tu élèveras contre elle des terrasses, tu poseras des camps contre elle, et tu mettras autour d'elle des machines pour la battre. Tu prendras aussi une plaque de fer, et tu la mettras pour un mur de fer entre toi et la ville, et tu dresseras ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Ce sera un signe à la maison d'Israël. Après, tu dormiras sur ton côté gauche, et tu mettras sur lui l'iniquité de la maison d'Israël, selon le nombre des jours que tu dormiras sur ce côté, tu porteras leur iniquité. Et je t'ai assigné les ans de leur iniquité selon le nombre des jours, savoir, 390 jours. Ainsi tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli ces jours-là, tu dormiras la seconde fois sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours, un jour pour un an, car je t'ai assigné un jour pour un an. Et tu dresseras ta face vers le siège ordonné contre Jérusalem, et ton bras sera retroussé, et tu prophétiseras contre elle. Or, voici, j'ai mis sur toi des cordes, et tu ne te tourneras point de l'un de tes côtés à l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Tu prendras aussi du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, et tu les mettras dans un vaisseau, et t'en feras du pain selon le nombre des jours, que tu dormiras sur ton côté, tu en mangeras pendant 390 jours. Et la viande que tu mangeras sera du poids de 20 sicles par jour, et tu la mangeras depuis un temps jusqu'à l'autre temps. Et tu boiras de l'eau par mesure, savoir, la sixième partie d'un hin, tu la boiras depuis un temps jusqu'à l'autre temps. Tu mangeras aussi des gâteaux d'orge, et tu les cuiras avec de la fiente sortie de l'homme, eux le voyant. Puis l'Éternel dit, les enfants d'Israël mangeront ainsi leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Et je dis, ah, ah! Seigneur Éternel, voici, mon âme n'a point été souillée, et je n'ai mangé d'aucune bête morte d'elle-même, ou déchirée par les bêtes sauvages, depuis ma jeunesse jusqu'à présent, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Et il me répondit, voici, je t'ai donné la fiente des bœufs, au lieu de la fiente de l'homme, et tu feras cuire ton pain avec cette fiente. Puis il me dit, fils d'homme, voici, je m'en vais rompre le bâton du pain dans Jérusalem, et ils mangeront leur pain à poids, et avec chagrin, et ils boiront l'eau par mesure, et avec étonnement. Parce que le pain et l'eau leur manqueront, et ils seront étonnés se regardant l'un l'autre, et ils fondront à cause de leur iniquité.